mais j'aimerais bien que tu ne fasses pas ça, non pas ça. Si j'étais sûre que je m'en chargerais avant toi, si j'étais sûre que tu ne me laisses jamais plus de moi. Tu l'es pour moi, mais tu n'y es pas.